les colonels chapoutés. Et Valérie Yahweh. Comment il fait? Alpha et Omega. Alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur, ce soir. Merci, Dieu. Merci pour ces temps merveilleux que tu nous donnes encore dans ta présence. Seigneur, merci. Car encore une fois, nous sommes heureux d'être dans ta présence. La Bible est en train de dire, heureux ceux qui habitent ta maison. Parce qu'ils peuvent te célébrer encore. Ce soir, Seigneur, nous sommes heureux parce que nous pouvons te célébrer même dans nos maisons, Seigneur. Même, Seigneur, oh Dieu, dans nos salons, dans nos chambres, Seigneur. Nous pouvons te célébrer car toi, tu es là. Il est écrit dans ta parole que là où deux ou trois sont réunis autour de ton nom, tu es là. Et parce que nous sommes réunis autour de ton nom, Jésus, nous croyons en ta présence. Nous croyons en ta présence, notre Dieu. Nous croyons que tu es là, Jésus. Nous croyons que tu es là. Bien-aimé, j'aimerais que tu prennes conscience de la présence de Dieu là où tu es. Que tu prennes conscience de la présence de Dieu parce que nous sommes réunis autour de son nom. Même si tu es seul. Même si tu es seul en train de participer à ces cultes, je veux que tu te rassures que Dieu est là. Dieu est présent parce que tu es là pour lui. Tu es là pour lui. Je veux que tu commences à élever ta voix là où tu es. Que nous puissions commencer à élever nos voix et lui dire merci Seigneur de m'agréer encore dans ta présence. Merci de m'accepter encore, d'accepter mon sacrifice de louange et d'adoration que je vais faire monter vers toi. Bien-aimé, est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à dire à Jésus, je suis là. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur et dis-lui, je suis là. Je suis là pour toi, je suis là pour t'adorer. Je suis là pour t'élever, Seigneur. Pour te dire combien tu es si précieux. Oh Yahweh, il est si grand notre Dieu, il est si merveilleux. Et rien ne va nous empêcher de l'adorer, rien ne va nous empêcher de le servir, rien ne va nous empêcher de nous approcher devant de son trône. Approche-toi de son trône avec assurance. Il est présent, notre Dieu. Oh, fais monter les désirs de ton cœur et dis-lui, mais voici, Seigneur, dans ta présence, mais voici, je suis là pour t'adorer, Seigneur, car c'est toi, Seigneur, c'est toi la raison de mon existence. C'est toi la raison de mon adoration, de ma louange. Oh, c'est vers toi que je lève ma voix. Ce n'est pas devant un homme. C'est devant toi, le Dieu de l'univers. C'est devant toi. Bien-aimé, lève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Hey, c'est toi, notre Dieu. Élève ta voix, bien-aimé, Dieu est présent, il est déjà là. Tu peux déjà commencer à déverser ton cœur au devant de lui. Tu es Yahweh. que quelqu'un peut chanter avec moi? C'est une chanson que tu connais bien. Est-ce que tu peux encourager le membre de ta famille à chanter ensemble et dire tu es Yahweh? Nous t'aimons, notre Seigneur, parce que toi, tu nous as aimés le premier. t'aime, Seigneur. Dis-lui, je t'aime. Qui me séparera de ton amour? Qui nous séparera de l'amour de notre Dieu? Ni la mort, ni la vie, ni la maladie. Rien ne nous séparera de son amour. Rien ne nous séparera de son amour. Rien ne nous séparera de son amour. Malgré la terreur, malgré la pandémie, rien ne me séparera de ton amour. Oui, Seigneur, je t'aime, même quand je n'ai rien. Même quand je regarde que je n'ai rien, Seigneur. Même quand je vois tout autour de moi de le noir. Seigneur, je veux te dire que je t'aime. Je veux te dire que je t'aime, Seigneur. Oh, malgré les temps difficiles, malgré les temps difficiles, nous t'aimons, Jésus. Même quand ma chair me lâcherait, Seigneur. Même quand ma chair me lâcherait, Seigneur. Mon amour pour toi, Seigneur. Oh Dieu, je t'aimerai toujours. Je t'aimerai. Bien-aimé, exprime ton amour. Exprime ton amour et dis à Jésus, je t'aime. Oui, nous ne faisons qu'à répondre à son amour. Car celui qui nous a aimés, il nous a aimés le premier. Quand nous étions encore des amis, quand nous étions encore sans force, lui nous a aimés. Il a prouvé son amour. Il a prouvé son amour. Oh, c'est que lorsque nous étions encore des pécheurs, il s'est donné. Il s'est donné. Il ne va pas nous abandonner. Ce n'est pas dans les moments difficiles qu'il va nous abandonner. Il a dit, je serai avec vous. Il nous a aimés. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes Aimé le premier. Et en retour, nous t'aimons également, Seigneur. Et merci parce que tu tiens sur l'homme pour faire ce que tu veux faire. Merci pour l'Église dans lequel tu nous as enrôlés. Merci, Seigneur, pour tes objectifs. Merci, Roi des gloires, pour la puissance et ton amour envers l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Oui, Seigneur, nous qui étions errants, nous étions sans force, nous étions malheureux et misérables. Tu as payé pour nous. En ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Seigneur, merci. Ce soir, tu es là encore. Et nous voulons, oh mon Dieu, te célébrer. Nous voulons t'écouter. Nous voulons t'invoquer. Il est écrit, vous m'invoquerez. Et je dirai, me voici. Nous attendons ton me voici, Père. Face à la détresse de notre terre, la détresse de l'humanité aujourd'hui, nous croyons à ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur. Là où tu es, devant ta télévision, devant ta tablette, devant ton écran ou ta radio, nous te disons que Jésus t'aime. Et ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Et se sont renouvelées encore aujourd'hui. Au moment où nous avons repris ce programme de jeûne et prière, nous avons dit aujourd'hui, jeudi, vendredi et samedi, nous bénissons Dieu pour ceux qui sont en train de participer et qui prient, qui invoquent le Seigneur, qui implorent Dieu jour et nuit. Le Dieu que nous appelons n'est pas insensible. C'est un Dieu sensible. Alors rapidement, prends quelques textes que nous allons partager tout de suite et puis nous allons prier. Tu peux prendre le psaume 106, versets 20 à 23. Tu peux prendre le livre de Jonas, chapitre 3, versets 6 et suivants, 6 à 10. Et puis tu peux prendre Ézéchiel, chapitre 22, versets 23 à 31. Mon frère, ma sœur, depuis que nous sommes dans ce confinement, il nous a été donné par le Saint-Esprit de partager sur la place de l'Église sur la terre. Et nous avons vu depuis le temps, il y a semaine passée, semaine antérieure, comment Dieu a besoin d'opérer avec son Église. Et que l'Église est la stratégie de Dieu sur la terre. Et que l'Église est la main de Dieu sur la terre. Et Paul va loin pour dire, les principautés, les dominations connaîtront par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Mais ce qui est dangereux, frères et sœurs, c'est que Dieu veut écouter l'Église. Mais il va l'écouter à la mesure où cette église est digne de se présenter devant Dieu. Lakini Mungu atasikia kanisa hiyo wakati kanisa hiyo inakuwa kwenye kiwango ambacho kinastahili kusikiliwa na Mungu. Il faut que l'église soit prête, qu'elle soit digne de s'approcher de Dieu, qu'elle soit éligible, qu'elle ait audience devant Dieu. Inaomba kanisa iwe inastahili, inauwe na kibali ya kukaribia mbele ya Mungu. Ce qui est dangereux, inayokuwa ya hatari, c'est que Dieu peut ne pas écouter l'église. Ni kwamba Mungu anaweza kuwa hata sikia kanisa. Alors que c'est elle que toutes les nations espéraient qu'elle allait sauver. Ijapokuwa ni kupitia hiyo kanisa ambapo mataifa yote yalikuwa yanatumaini ya kwamba itaokolewa. Mais si cette église ne se sanctifie pas, lakini kama kanisa hilo alijitakase, ne cherche pas la face de Dieu, alitafute uso wa Mungu. De Chroniques chapitre 7 verset 13 à 14, si mon peuple si qui est invoqué, mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne ses mauvaises voies, je l'écouterai des cieux, je l'exaucerai et je guérirai son pays. 13 hadi 15 ambao anasema kama taifa ambalo naloita kwa jina langu linajinyenyekeza, linaomba na linatoka kwenye njia zake mbaya, nitalisikiliza na nitaponya nchi yao. Alors ce soir, sasa jioni ya leo, je voudrais partager sur ce sujet sous thème, ningependa nizungumzie juu ya mada hii. Dieu cherche un homme. Mungu anatafuta mtu. Je vais extrapoler pour dire Dieu cherche une famille. Nitaenda mbali nikizungumza nikisema kwamba Mungu anatafuta jamaa, Mungu anatafuta mwanamke. Dieu cherche un groupe de gens. Mungu anatafuta kundi la watu. Dieu cherche une ville. Mungu anatafuta mji. Dieu cherche une nation. Afin de faire quelque chose. Ili afanye kitu. J'aimerais venir dans ta chambre ou dans ton salon pour dire Dieu te cherche. Ningependa nikuje ndani ya chumba chako ama ndani ya saloni yako nikwambie Mungu anakutafuta. Afin c'est de toi que Dieu parle. Ni wewe ndiye Mungu anayezungumzia. Dieu te cherche mon frère. Mungu anakutafuta ndugu yangu. Il veut faire quelque chose. Anahitaji afanye kitu. Il a besoin de toi. Anakuhitaji wewe. Il cherche un homme. Anatafuta mtu. Et une femme. Anatafuta mwanaume mwanamke. Pour sauver la situation. Et depuis l'histoire, l'Éternel a souvent agi et opéré soit par lui-même, Bwana Mungu anakuwa kitenda kupitia yeye mwenyewe, sans tenir compte d'un être humain, bila kuhesabu mwanadamu yoyote, et il a exécuté des jugements sur la terre, yani, sans passer par les hommes, bila kupitia wanadamu. Et des fois aussi, na mara pia, et le plus souvent, na ambayo inakuwa zaidi, Dieu a agi dans le monde. Mungu ametenda duniani pour apporter des jugements, kwa ajili ya kuleta hukumu, au travers des folies des hommes eux-mêmes, kupitia upumbavu ya wanadamu wao wenyewe. Mais aussi, lakini pia, dans tous les cas, ndani ya aina yote, que ce soit qu'il agit lui-même pour juger le monde, yeye mwenyewe ndiye anatenda kwa ajili ya kuhukumu dunia, que ce soit qu'il agit par les hommes pour punir le monde et les nations, iwe anapitia kupitia wanadamu kwa ajili ya kuhukumu mataifa, il a toujours désiré rencontrer sur la terre un homme, kila mara anahitaji mkute duniani mwanadamu, par lequel passer, ya kwae, pour arrêter, kwa ajili ya kusimamisha la calamité, ile mateso. Et pour cette pandémie, na kwa ajili ya magonjwa, Dieu cherche un homme, Mungu anatafuta mtu, une femme, anatafuta mwanaume mwanamke, une famille, anatafuta jamaa, une église, anatafuta kanisa, par laquelle ambao kupitia kanisa il voudrait passer, anahitaji apitie, pour arrêter cette pandémie, kwa ajili ya kusimamisha magonjwa haya. Et croyez-moi et dites avec moi, na mniamini, que en fait, museme pamoja nami, si ce soir, kama jioni leo, Dieu trouve un homme, Mungu anapata mtu, d'ici les 4 matins vous attendrez. Hapa siku ine mtasikia. Que ceux qui étaient malades, les cas qui étaient confinés, qui étaient en quarantaine sont guéris. Ya kwamba wale ambao walikuwa wanagonjwa, walikuwa wanafungiwa ndani ya nyumba wamepona. Que ceux qui étaient sous des respirateurs, wale ambao walikuwa kwenye vyombo vya kupumulia ndani wamepona. Et que quiconque était affecté, na yeyote ambaye alikuwa ameambukizwa, il se reteste. Et c'est fini. Et il n'y a plus rien. Parce que le doigt de l'Éternel est passé par là. Dit Amen. Alléluia. Amen. Et le Dieu des cieux cherche donc un homme. Dans Psaume 81, verset 14, il est écrit, ah, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, j'humilierais leurs ennemis. En un instant, Dieu est capable de faire ça. Lorsqu'il trouve un homme, d'intervenir en un instant. En un instant. Dites avec moi là où tu es en un instant. Dites avec moi. Donc si Dieu me trouve en un instant, il peut intervenir et il peut arrêter ses malheurs. Oh, combien je prie que Dieu arrête ses malheurs. Combien je prie que Dieu trouve un homme, que Dieu trouve une femme. Parce que qu'est-ce que cet virus devant les dieux tout puissant. Qu'est-ce que c'est mort devant les dieux de l'univers? Celui qu'on appelle Je suis, qu'on appelle le Très-Haut, qu'on appelle le Créateur, la source de toutes choses, celui qui dit et moi la chose s'accomplit, celui qui ordonne les choses s'exécutent, celui qui appelle même à l'existence ce qui n'existe pas, celui qui commande les choses arrivent. C'est de ce Dieu que je te parle. Devant ton téléphone, c'est de lui que je parle. Et c'est lui qui cherche un homme. C'est lui qui te cherche. Tu as marché dans le mal. Et peut-être jusqu'à présent, repens-toi. Dieu peut te trouver. Et grâce à toi, il peut faire quelque chose. Alléluia. Amen. Donc disais-je, Dieu peut détruire le monde sans se servir d'un homme. Nous voyons en Apocalypse chapitre 20, verset 11. Il est écrit, puis j'ai vu un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fit plus trouver de place pour eux. La terre pour laquelle tu fais de l'orgueil. Tu as accumulé des richesses sur la terre. Et il viendra un jour où cette terre va s'enfuir parce que le Dieu des cieux sera en train d'arriver dans son trône blanc. Les cieux et la terre s'enfuir devant sa face. Et ce qui est grave, verset 14, et il est écrit, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Ce genre de choses, Dieu ne le fait pas avec l'homme. Il le fait lui-même. Il a suffisamment de puissance. Là où tu m'écoutes, frère, Dieu a suffisamment de puissance. Quelle que soit la destruction et le ravage de Corona, quelle que soit la quantité de morts qui est déjà annoncée, Dieu est suffisamment puissant parce qu'un jour vient où Dieu prendra la mort et le séjour des morts et les jettera en enfer. Qui es-tu, Dieu, capable de saisir la mort? Maintenant, qui es-tu, Corona, capable de répandre la mort sur toute la terre? Laisse-moi t'annoncer, Corona, et les esprits qui t'ont envoyé, qu'il existe un Dieu qu'on appelle le Dieu Tout-Puissant, qui un jour saisira la mort et la jettera en affaire. La mort que tu es en train de distribuer ce soir, le Dieu des cieux dont je parle est capable de ramasser cela et de la jeter et de l'arrêter. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans ce texte, on parle de la fin du monde. Mais ce que Dieu sera capable de faire à la fin du monde, il est capable aussi de le faire aujourd'hui. S'il saisira la mort un jour, il peut la saisir aussi aujourd'hui. Frère, sœur, toi qui prie, retiens cette réalité. Tu ne pries pas un morceau de bois. Tu ne pries pas un homme. Tu ne parles pas à un monstre. Il est le Dieu Tout-Puissant. Tu ne prie pas un faible. Tu prie le Dieu grand et redoutable. Le Dieu capable. Et il n'est pas capable seulement dans ton corps pour te guérir du corona toi seul. Il est capable sur toute la terre. La Bible déclare que la terre est dans sa main. Il peut l'écraser en un clin d'œil. kwa kufinyanga. A plus forte raison un virus. Sasa virusi tu kidogo. Qui es-tu virus? Wewe ni nani virusi? Devant l'Éternel. Mbele ya Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, unaona? Lorsque Dieu envoya le déluge sur la terre, wakati Mungu alipotuma gharika duniani, il décima la terre entière, akaharibu dunia yote, en sauvant la famille de Noé, akiokoa jamaa la Nuhu. Il s'est fait aider par personne, na hakusaidiwa na yeyote. Il a agi par lui-même, alitenda kupitia yeye mwenyewe. Et dans beaucoup de choses, na ndani ya mambo mengi, il peut le faire encore aujourd'hui. Anaweza kuitenda tena leo. Dans Genèse chapitre 6 verset 1 à 7, tu peux voir cela. Ndani ya kitabu cha Mwanzo 6 1 hadi 7 unaweza kuona hiyo. Et quand il envoya le feu et le soufre à Sodome et Gomorre. Na alipotuma moto na kibiriti kwenye Sodoma na Gomora. Dans Genèse 19 verset 20 à 21. Ndani ya kitabu cha Mwanzo 19:21-21. Laisse-moi te dire, frère. Acha nikuambie ndugu. Que le jugement de Dieu ya kwamba hukumu ya Mungu peut venir de Dieu lui-même. Inaweza tokea kwa Mungu yeye mwenyewe. Mais disais-je deuxièmement, Dieu peut détruire le monde en laissant la folie des hommes, en laissant les folies des hommes et leur égoïsme aller leur cours. Vous avez vu Nagasaki et Hiroshima. Muliona Hiroshima na Nagasaki. L'égoïste est l'homme. Les folies des hommes ont libéré la bombe atomique sur les êtres humains. Et des milliers ont été décimés à cause de la folie de l'homme. Et donc dans tous les cas, que Dieu ait à agir lui-même ou qu'il ait à agir par l'homme, Dieu cherche un homme. Mungu anatafuta mtu. Dieu cherche un homme. Mungu anatafuta mtu. Au verset 13 de 2 Chroniques 7. Kwa shairi la 13 la kitabu cha Mambo ya Kwanza. Dieu dit quand je fermerai le ciel. Sura ya 7. Mungu anasema nitakapofunga mbingu. Yamaanisha Mungu atafunga. Et qu'il n'y ait pas de pluie, etc. C'est-à-dire quand je serai prêt à détruire le monde. Yamaanisha nitakapokuwa tayari kuharibu dunia. Si je trouve un peuple. Nikipata taifa. Ce qui est évoqué mon nom qui s'appelle. Ambalo linaitwa juu ya jina langu. Et quand je laisserai les folies des hommes libérer leur méchanceté, leur destruction. Si je trouve un homme, je vais arrêter ces folies-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu trouve un homme qui se met à la brèche. Un homme qui se lève pour intercéder. Dans le psaume 106, verset 23, il est écrit. Il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de le détruire. Moïse, Musa, tu te tiens devant l'Éternel pour l'empêcher de détruire. Oui. En fait, Dieu voulait trouver un homme qui se tiendrait devant lui. Et aujourd'hui, face à ces malheurs qui courent la terre, Dieu cherche un homme qui se tient devant lui pour l'empêcher, pour détourner la colère de Dieu. Mais pourquoi colère? Parce que la bassesse a régné trop sur la terre. Il est écrit quand la bassesse règne au milieu du pays, l'ennemi se promène librement. Et il y a plein de folies qui naviguent sur la terre. Et qui font que le monde soit devenu vulnérable. Et que l'homme s'est fait tuer par sa propre folie. Alléluia. Amen. Dans Ézéchiel 22, 30, il est écrit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi, en faveur du pays, en faveur de toute la terre, en faveur de tous les pays, afin que je ne la détruise pas. Mais triste. Il dit, mais je n'en trouve pas. Je n'en trouve pas. Quels sont quelques obstacles que Dieu rencontre quand il cherche un homme? Notez bien, frères et sœurs, Dieu ne cherche pas un homme qui se tient mécaniquement devant lui. Dieu ne cherche pas des robots. Il cherche pas des hommes mécaniques ou des êtres humains qui viendront mécaniquement se tenir devant lui. Dieu cherche la qualité de l'homme. Dieu cherche la qualité de l'église. Dieu cherche la nature, le cœur, l'être intérieur, la qualité intrinsèque de l'homme. Afin qu'il ne détruise pas le pays. Dans Genèse 4:4, il est écrit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel. Ensuite, sur son offrande. Dans Actes 13:22, il est écrit, j'ai cherché un homme et j'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Voici certaines choses qui constituent l'obstacle. La première qui constitue obstacle que Dieu trouve les hommes ou les choses que Dieu rencontre lorsqu'il cherche les hommes à utiliser. La première chose que Dieu trouve, c'est la bassesse. La bassesse. Dans Psaume 12:9, il est écrit, quand la bassesse règne parmi les fils des hommes, l'ennemi se promène librement. Pourquoi irait-il dans un centre de recherche, dans un laboratoire, pour manipuler des choses, afin de voir comment ces choses peuvent tuer l'homme? Ndugu dada, utazama tu namna gani mtu anaweza kuingia ndani ya kiwanda atafute vitu ambavyo vitaua wanadamu wengine. Pourquoi irais-tu pour faire des recherches? Sababu gani atenda kufanya utafiti? Pour voir comment établir ton règne par la méchanceté. Ili uone namna gani utaweka utawala wako kupitia uovu. À quoi ça sert? Hii inafaa nini? Que tu sois resté seul sur la terre. Ubaki wewe mwenyewe duniani. Parce que tu as exterminé tout le monde. Sababu umewangamiza watu wote. C'est de la bassesse. Inakuwa ni ujinga. La deuxième chose, c'est la folie de l'homme. Il est écrit dans le psaume 85, verset 9. Dieu parla de paix pour son peuple, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Dieu ne supporte pas la folie dans le cœur de l'homme. Frères, sœurs, les hommes vivent dans la folie aujourd'hui. Et cela va empêcher que Dieu trouve quelqu'un. Il y a beaucoup de folie même dans l'église. Dans les lots sur lesquels Dieu chercherait, trouverait quelqu'un. Il y a beaucoup de folie dans l'église. Que Dieu nous pardonne Mungu atusame, à toutes ces choses yote, que les hommes se permettent, chrétiens comme leader d'église, alors que l'église est recherchée pour jouer un rôle. Troisième obstacle, l'inconscience. L'inconscience. Il y a beaucoup d'inconscients aujourd'hui. Surtout en Afrique. Autour de nous. Des inconscients. Des personnes qui voient les réalités dangereuses. Et qui jouent et s'amusent comme si rien n'était. L'inconscience, il est écrit dans le Proverbe 15:14. Un cœur intelligent cherche la science. Moyo wenye akili unatafuta elimu. Mais la bouche des insensés se plaît à la folie. Lakini moyo wa wasiofikiri inafurahia ujinga. Laissez-moi parler de misère intérieure également. Acha nizungumzie mateso ya ndani. Dieu cherche quelqu'un. Mungu anatafuta mtu. Mais lorsqu'il essaie de prendre tel. Lakini wakati anatafuta kumchukua fulani. Il trouve dans son cœur beaucoup de misère intérieure. Anakuta ndani mwake mna mateso ndani mwake. Le système de fonctionnement misérable. Mtumikio yake inakuwa ya mbaya. Un cœur misérable. Moyo kabisa kuteseka. Dans lequel on trouve beaucoup d'immoralité. On trouve de l'occultisme. On trouve la méchanceté qui n'a pas de nom. On trouve l'homosexualité. On trouve la bestialité. On trouve la cupidité, l'égoïsme et toutes sortes de choses. Pourquoi vous allez dans ces choses, frère? C'est la misère intérieure. Que c'est triste d'interagir avec quelqu'un dont le cœur est rempli de misère. Il est écrit dans Ésaïe 5:8. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison, champ à champ. Jusqu'à ce qu'ils restent seuls dans le pays. Et beaucoup des choses que les hommes se permettent sur la terre sont motivées par la misère qui les pousse à accumuler, accumuler sans jamais être satisfait. Les gens sont des milliardaires, mais ils ne continuent qu'à chercher, à chercher, à trouver des voies pour chercher, à chercher, et puis quelquefois éliminer, tuer, terminer les gens sur la terre. Tu vas rester seul dans le pays. C'est de la misère dans ton cœur. Viens à Jésus. Il peut redonner à ton cœur un sens. Ta vie peut retrouver son sens. Mon frère, ma soeur, mais quand Dieu trouve un homme avec conscience, un homme avec vertu, un homme avec un cœur qui cherche Dieu, un homme qui craint l'Éternel, il peut changer toute situation, quel que soit son degré. Alléluia. Amen. Que dirais-je de Déborah? Une femme, dans Juges chapitre 4, verset 1 et suivant. Déborah et Barak. Une femme, alors que les hommes sont absents, cette femme convoque la guerre contre Sisera, qui a maîtrisé le pays. Et cette femme, Déborah, qu'est-ce qui t'arrive? Déborah, nini mekufikia? Je suis devenue consciente. Nimekuwa na zamiri. Et Déborah dit à Barak. Na Déborah anamwambia Baraki. Écoute, c'est toi un homme, tu es chef de l'armée. Sikiliza wewe ndiye mwanaume. Si tu ne viens pas, wewe ndiye msimamizi wa jeshi. La gloire viendra sur les femmes. Kama ukuje utukufu itarudia mwanamke. Barak prend conscience. Na Baraki akachukua zamiri. Mais j'aime une autre femme qui prend conscience. Lakini nampenda mwanamke mwingine ambaye. Elle s'appelle Jael. Alors que la guerre s'est lancée, Sisera est aux abois. Il est poursuivi. Il court à pied, il a abandonné ses chars. Et il essaie de se cacher chez une femme qui s'appelle Jael. Jael l'accueille avec sagesse et conscience. Yael, Jael sait que c'est lui le chef de nos ennemis. Na Yael, anajua, huyu ndiye msimamizi wa et Sisera demande de l'aide. Sisera demande un peu d'eau à boire. Sisera dit à Jael de le cacher. Et Jael le cache avec efficacité. Anamuficha kabisa vizuri. Et il le cache. Na et il lui donne une bonne couverture. Et lui, tu peux te reposer là. Sisera dit, si on me cherche, dit, il n'y a que personne ici. Et lorsque Sisera demande de l'eau, Jael, cette femme consciente, elle apporte du lait. Alléluia. Amen. Tu donnes du lait à Sisera. C'est notre Sisera. Ennemi. Oui, le lait, ça fait du bien, on dort bien. maziwa kabisa na kuwa tamu na lala vizuri. Amen. Et lorsque Sisera se repose, na wakati Sisera na pumzika, Jael a pris les pieux, na Jael akachukua hama, un marteau, akachukua hama dans na msumari, akamupigia ndani ya kichwa, na alipiga tu mmoja. Et Sisera est fini. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a trouvé des hommes et des femmes conscients. Et c'est ça que Dieu cherche ce soir dans votre maison. Vous êtes en cinq en écoutant ce message. Peut-être parmi vous, un seul va être conscient. Laisse-moi vous dire que grâce au seul qui va être conscient, Dieu peut changer cette situation. Que dire de plusieurs cas, Gédéon? Tuseme juu ya mifano nyingi Gideoni. Gideoni. Dans Juges chapitre 6. Ndani ya Waamuzi sura 6. Il pose la question à l'ange. Anamuuliza malaika. Il dit moi je suis conscient depuis longtemps. Anasema mimi nadhamini tangu zamani. Car où sont tous ces miracles? Sababu hizi miujiza zote. Dont nous parlent nos grands-pères. Wanaotuelezea mababu zetu siko wapi? Et vous savez ce que l'ange lui dit? Unajua nini malaika anamwambia? Va avec cette force que tu as. Wende na nguvu ambayo unayo. Et tu sauveras Israël. Na utaokoa Israeli. Et ce soir, Dieu te dit, va avec cette conscience que tu as. Et tu mettras fin à cette pandémie. Que dire de David? Homme selon son cœur, qui accomplira toutes ses volontés. Que dire de Noé? Genèse chapitre 6, verset 9. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Et Dieu est appelé à détruire le monde. Mais il trouve Noé, il dit non, toi Noé, je ne te détruis pas. Tu construis l'arche et tu sauves quelques personnes. Que dire de Asa dans 2 Chroniques 15? Et que dire de l'église? Je bâtirai mon église. Matthieu 16, 18. Que dire de Ninive, le roi de Ninive, alors que Jonas proclame dans 40 jours, vous êtes finis. Dans 40 jours, Ninive, une ville où on marche pendant 3 jours pour la terminer. Et le roi est saisi du message. Et le roi dit, tout le monde, cendre, par terre, même les chèvres, les animaux, tout le monde, nous allons gêner, nous allons nous humilier. Et l'Éternel fit passer outre sa propre prophétie. Aujourd'hui aussi, les uns disent que Corona a été travaillé dans un laboratoire. Si cela était vrai, ce n'est pas un problème pourvu que Dieu trouve quelqu'un qui se lève. Est-ce que tu peux te lever là dans ta chambre? Lève-toi là dans ton salon. Et nous voulons prendre quelques minutes pour prier. Frères, sœurs, j'ai parlé de la qualité de l'homme que Dieu doit trouver. Si mon peuple s'humilie, si l'église s'humilie, la personne de prédilection c'est l'église. Mais même si l'église de Jésus-Christ sur la terre n'était pas là, et que Dieu trouvait un homme comme il a trouvé Déborah, il est prêt à agir pour la nation. Et que dire pour la nation congolaise? Est-ce que Dieu ne trouve pas beaucoup de bassesse, beaucoup de misère intérieure, beaucoup d'inconscience, beaucoup d'irresponsabilité? Va-t-il trouver un cœur conscient, responsable, sensible, un cœur qui rejette la bassesse, un cœur qui rejette les misères? Commence à prier pour toi-même. C'est toi que Dieu cherche ce soir. Nous prions le Seigneur. frère. Prions notre Dieu. Quelqu'un invoque l'Éternel. Sanctifions-nous, mon frère, ma soeur. Sanctifions-nous, Église. Dieu a besoin de nous. Dieu veut sauver le monde aujourd'hui. Dieu veut nous sauver. Dieu veut arrêter le malheur. Mais il n'a qu'à trouver une personne. Et qu'importe l'âge, ce n'est pas un problème de 60 ans. Ce n'est pas un problème de 80 ans. Pour que Dieu t'écoute, même si tu as 10 ans, même un enfant à la mamelle, même un petit enfant de 3 ans, qui comprendra et qui criera à l'Éternel. S'il y a des enfants dans ta maison, amène-les à la prière. Mets-les dans la prière. Exhorte-les à prier. Car Jésus a dit, laissez les enfants venir à moi. Et ne les empêchez pas. Car le royaume de Dieu, pour ceux qui les ressemblent, en conscience, en responsabilité, en crainte de Dieu. Et ce soir, nous cherchons la face du Seigneur. Nous nous sanctifions. Nous demandons pardon. Prie avec moi, mon frère, là où tu te trouves. Dites, Seigneur, mon Dieu. Dites, Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Tu as besoin de quelqu'un aujourd'hui. Je veux être la personne. Mais je ne suis pas digne. Pardonne-moi. Lave-moi dans ton sang. Purifie-moi, oh Dieu, ce soir. Si tu cherchais quelqu'un, me voici. Trouve-moi. Me voici, Seigneur. Trouve-moi. Ni tout mes mimi. Ni tout mes mimi buana. Mimi ni hapa, Yesu. Je suis là, Seigneur. Mimi ni tayari, Yesu. Me voici, Seigneur. Sanctifie-moi pour cette mission. Libère-moi de l'immoralité, de la négligence, de l'infidélité, des vices divers, de la méchanceté, de l'inconscience, de la bassesse. Pardonne-moi mes bassesses. Je renonce à la bassesse. Je renonce à mes misères intérieures. Je renonce à mon inconscience. Oh Saint-Esprit, aide-moi à être conscient ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Oh non, je reviens à toi, Seigneur. Je reviens à toi, Seigneur. Oh, réveille mon esprit. Réveille ma conscience. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu cherche un homme qui va accomplir la mission. Et notre mission va en deux, dans deux directions. La première direction, notre mission va en faveur des êtres humains. Les êtres humains qui sont sur la terre, afin de leur montrer le chemin, afin de les attirer à Dieu. Mais notre mission va aussi devant le monde des ténèbres. Ce même monde qui garde les gens dans l'inconscience, dans la bassesse, qui a mis leurs mains sur les êtres humains afin qu'ils restent inconscients, qu'ils aient les yeux voilés et qu'ils ne comprennent pas. Frère, sœur, lève-toi là où tu te trouves et prie avec moi. Dites, mon Dieu, mon roi, je me lève devant toi pour implorer ta miséricorde en la faveur des humains qui sont sur la terre en souffrance maintenant. Et moi-même, oh Dieu, en tant que ton enfant, je suis menacé par cette pandémie. Je prie pour les êtres humains, ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas. Je demande grâce, j'évoque ta miséricorde sur la terre. Si tu veux te prosterner, prosterne-toi devant Dieu. Implore le Seigneur là où tu te trouves. Yahweh, pitié, invoque le Seigneur, frère. Pitié, pitié, pitié, Yahweh. Et pitié de notre monde. Et pitié, Yahweh. miséricorde, miséricorde, miséricorde, miséricorde. Reviens de ta colère, reviens de ta colère, de toute ta colère sur notre génération. Reviens de ta colère, oh Dieu, notre génération est foutue. Il y a des morts chaque jour. Nous sommes fauchés, mais nous crions à toi, à tant que ton Église ait pitié de nous. Sauve aujourd'hui, sauve l'Église, sauve les êtres humains. Nous croupissons dans la peur, l'angoisse remplit la terre, les ténèbres remplit la terre. Aie pitié de la terre, aie pitié de notre génération. Maintenant, oh Dieu, à cause de Jésus-Christ, à cause de son sang qui a coulé, aie pitié, Yahweh. Pitié, miséricorde, oh Dieu, miséricorde, Seigneur. Et Kayaba chanta yalala hoseka. Bien-aimé, comme nous avons annoncé, après ces 60 minutes, tu continues la prière. Et pendant 30 minutes de plus, nous poursuivons la prière. Mais laissez-moi vous donner quelques communiqués avant de continuer la prière et d'invoquer le Seigneur. La première communication, c'est que nous donnons nos offrandes dans toutes nos réunions. Là où tu es, même quand tu es seul, tu prends ton offrande et tu donnes ça à Dieu. Et quand tu as le temps, tu passes à l'église, tu la déposes. Et si tu me suis, tu n'es pas de l'église Arche, tu déposes ton offrande et tu vas l'amener dans votre église. Tu vas amener ton offrande à votre église. Et si tu es loin en dehors du pays, tu peux amener ton offrande dans l'église où tu pries là-bas. Il y a aussi des contacts, je veux dire des numéros de Airtel Money, de M-Pesa, que les médias vont vous mettre à votre disposition. Si vous ne savez pas vous mouvoir jusqu'à l'église, vous pouvez déposer là-dedans. Mais nous voulons, frères et sœurs, aussi vous annoncer que nous prions pendant ces 3 jours en jeûne. Et si tu as mesure de jeûner, tu jeûnes. Si tu as un empêchement, tu pries quand même. Jeudi, vendredi, samedi, tous les jours à 19h30. Et les dimanches à 8h. 8h à 8h30. Et vous pouvez suivre sur Sauti ya Injili 89.0. Vous pouvez suivre sur YouTube Église Arche. Et sur Facebook Église Arche l'Alliance Goma. Et après les 60 minutes où nous sommes ensemble partout dans le monde, tu continues à prier. Et voici quelques requêtes sur lesquelles tu vas continuer à prier. Tu continues à invoquer le Seigneur et à implorer sa grâce sur les êtres humains sur la terre, sur la nation dans laquelle tu te trouves à ce moment, sur la ville dans laquelle tu te trouves. Tu invoques la grâce de Dieu sur toutes les nations, mais aussi tu t'élèves pour combattre Corona. Corona n'est qu'une créature, une cellule. Et la Bible déclare tout genou fléchira. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Lève-toi donc et continue à prier. Lève-toi et nous continuons à prier. Seigneur, nous évoquons ton nom. Seigneur, nous implorons ta grâce. Et nous venons à toi, oh Dieu. Et nous nous levons par l'autorité que tu nous as confiée. Tu Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Nous nous levons contre le coronavirus dans le nom de Jésus-Christ. Vas-y, prie le Seigneur. Mighty Lord, you are the Lord of Lords, the King of Kings. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Seigneur des seigneurs. Nos regards sont fixés sur toi. Nous avons été enrôlés dans ton armée. Nous faisons partie de ton armée. Tu as une armée qui se lève. Tu cherchais un homme, mais voici. Tu cherchais un homme, mais voici, Seigneur. Tu cherchais un homme, mais voici. Je me lève contre les principautés. Je me lève contre les autorités. Je me lève contre les dignités. Je me lève contre la méchanceté, la bassesse, la destruction, la misère dans le cœur. Au nom de Jésus Nazareth. Tu es la vainqueur, tu es la vainqueur. main des villes entières à la conscience, la main des nations entières à la conscience. Au nom de Jésus Nazareth, notre Père et notre Dieu, sans toi nous ne pouvons rien faire. Et tu le sais très bien, par la paix, nous nous appuyons sur toi, Saint-Esprit. Encadre l'Église dans ces temps de confinement. Réveille l'Église. Non seulement l'Église attire l'attention des êtres incroyants, attire l'attention des êtres humains sur la terre. Oh Dieu, même les plus méchants, les plus incrédules, les plus occultes attirent leur attention. Voici, oh Dieu, que toute la terre est mise à genoux par un petit virus. Il est écrit que tu es l'Éternel des armées. Tu peux utiliser un petit virus pour terroriser les humains. Seigneur, appelle à la vie. Tout est à toi, par toi et pour toi. Il est écrit, personne ne vient au Père. Personne ne vient à moi si le Père ne l'attire. Attire des multitudes aujourd'hui.